Ce morceau, c'est pour ceux qui kiffent l'adrénaline. Pousse les limites quand je prends des risques. J'ai cette montée d'adrénaline. L'inconnu facile quand la mort je domine. J'ai cette montée d'adrénaline. Cours poursuite, moi je te sème et toi tu me pisses. Reste derrière sinon je te mets hors piste. Je prends des risques, je te mets en panique. On roule toujours plus vite et tout le monde appelle les flics. Je fais partie de ceux qui sont heureux à plus de 200. J'ai ça dans le sang et c'est dangereux. Je kiffe la vitesse, je suis pas peureux. Je suis accro à l'adrénaline, j'imagine. Après un seul contact, je fais mauvaise mine. Comme dans un film à la Fast and Furious. À base de haine, de zo, les vitesses, je pousse. Je risque ma vie juste pour une émotion. Un putain de frisson quand je mets la pression avec précision. Je veux atteindre le mur du son et défoncer de façon. Je respecte pas les limites face aux mauvais garçons. Attention. Je lance un grenage avec mauvaise intention. En état de manque d'adrénaline, je fais face à la tentation. Est-ce que tu connais la sensation? Ça part à balle en accélération. Ce morceau c'est pour ceux qui kiffent l'adrénaline. À balle dans les virages, en fond de 600 lignes droites. En R5 ou en Skyline, les keufs on leur dit bye bye. Je pousse les limites, je prends des risques. J'ai cette montée d'adrénaline. L'inconnu facile, quand la mort je domine. J'ai cette montée d'adrénaline. Dans les chemins de terre, en 2,5 KX. J'ai cette montée d'adrénaline.